Bonjour mes chers amis, et nous on est à la deuxième épître de Thessaloniciens. Nous sommes au début novembre, et je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais on devait terminer durant le mois de novembre à quelque part. Trois petits chapitres, mais avec un grand sujet. Le sujet, encore une fois, du retour du Seigneur ou de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. On va en parler dans chapitre 1, chapitre 2, et l'auteur veut encourager encore l'Église à persévérer dans la foi qu'ils ont reçue de Paul, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc, commençons à prier, s'il vous plaît. Notre bon Père du ciel, nous te remercions que tu nous as laissé ta parole. Comme le psalmiste a dit, ta parole est une lumière sur notre sentier. Et nous t'en remercions. Nous avons tellement besoin de lumière dans ce monde de ténèbres. Donc, que par ce livre, cette lettre, dans les semaines qui vont venir, éclaire notre sentier. Conduis-nous dans la vérité. Donne-nous la persévérance dans l'attente de ton Fils bien-aimé qui va descendre du haut des cieux pour venir récompenser et pour venir punir. Donc, guide-nous par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui l'auteur de l'épître, et demain nous allons voir les destinataires de l'épître. Pour connaître l'auteur, si vous voulez bien, nous allons lire le chapitre 1, versets 1 et 2. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons le même auteur avec les deux mêmes associés que dans la première épître aux Thessaloniciens. Paul en est l'auteur, mais il s'associe Silas ou Sylvain et Timothée, des co-ouvriers avec lui dans l'œuvre du Seigneur. Je méditais cette semaine sur la personne de Paul. C'est un homme qui a eu une vie très particulière. Et le Seigneur, notre Dieu, a décidé de le choisir pour écrire 1 et 2 Thessaloniciens. Dieu, je crois, l'avait préparé dès sa naissance à ce jour où il écrirait ces deux lettres aussi, avec plusieurs autres, bien entendu. Paul fut élevé dans une famille juive. Il dit « pharisien né de pharisien, hébreu né d'hébreu ». C'était un pur et dur juif. Donc élevé, très rigidement, par des parents qui croyaient fermement à la foi juive. Et l'apôtre Paul va s'y donner de plein cœur. Il va devenir un homme excessivement zélé pour la foi juive. Il va devenir lui-même pharisien et il va se consacrer à l'étude des Écritures hébraïques sous la tutelle d'un grand enseignant qui était Gamaliel. Pour Paul, tout allait bien, tout avançait dans une bonne direction jusqu'au moment de la venue de Jésus et ensuite du début de l'Église. La venue de Jésus a dû le troubler comme il a troublé tous les autres pharisiens. Mais finalement, il est décédé. Finalement, il a été crucifié. Et Paul pensait, comme la plupart des Juifs, que ceci mettrait fin à ce usurpateur du rôle du Messie. Mais non. Les 12 apôtres vont mettre les bases à l'Église par leur enseignement et l'Église du Seigneur Jésus-Christ va se développer à une vitesse qu'il n'aurait pas pu s'imaginer. Alors Paul, avec toute sa connaissance des Écritures, croit que l'enseignement qu'il donne de Jésus est fausse et que Jésus n'est pas le vrai Messie et qu'il n'est pas ressuscité. Donc, il prend sur lui-même, avec le consentement des autres dirigeants, de persécuter l'Église. Et on voit ça dans les Actes des Apôtres. Dès le chapitre 7, il nous est présenté comme celui qui semble être en charge de la persécution d'Étienne et de la lapidation d'Étienne, de la mise à mort d'Étienne, qui prêchait l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et il va continuer cette persécution d'une façon très violente, très zélé pour arrêter cette secte qu'on appelait la Voix, qu'on appelait l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance. Et on sait que pendant qu'il va aller vers Antioche pour arrêter les croyants qui sont là, les emmener prisonniers à Jérusalem et les faire passer en jugement, il a une apparition, l'apparition du Seigneur Jésus lui-même. Par ce moment-là, il est convaincu que Jésus est le Messie, il est convaincu que Jésus est le Seigneur, il est convaincu qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et Paul se convertit au christianisme. Il se convertit à l'Évangile de Jésus-Christ. Pas mal spectaculaire comme revirement. Le revirement est tellement fort, tellement brusque, tellement complet, si je peux dire ça comme cela, que la plupart des croyants ont peur que ce soit un mauvais tour joué par les Juifs pour les espionner et mettre fin à leur enseignement de l'Évangile de Dieu. Mais finalement, il est démontré, il est prouvé que l'apôtre Paul est vraiment un chrétien, il s'est vraiment converti. Et par la suite, Jésus va lui apparaître à plusieurs reprises et va l'instruire lui-même, comme il dit lui-même dans Galates, « J'ai reçu l'Évangile non pas des hommes, mais du Seigneur Jésus-Christ lui-même. » Comment peut-on être plus sûr que cela? Les 12 avaient vécu 3 ans avec Jésus, ils étaient convaincus qu'il était le Messie et qu'il avait enseigné l'Évangile. Ils savent que ce qu'ils prêchent vient de Dieu, vient de Jésus lui-même, incarné. Paul, lui, va avoir la même certitude parce qu'il va recevoir de Jésus son enseignement directement. Donc, l'apôtre Paul, quand il enseigne, il est convaincu, comme tous les apôtres, que ce qu'il dit vient directement de Jésus, directement de Dieu. Il est convaincu que Jésus, c'est Dieu fait chair. Donc, automatiquement, il sait qu'il prêche la vérité. Mais après sa formation, Jésus va l'envoyer, il va devenir un apôtre, mais un apôtre parmi les païens. Ça ne veut pas dire qu'il ne prêchait pas à des Juifs. On le voit prêcher dans les synagogues régulièrement. Et souvent, il commence l'Église dans une nouvelle ville avec quelques Juifs et avec des gens de la place. Comme on a vu ensemble dans la première épître aux Thessaloniciens, c'est ce qui est arrivé à Thessalonique. Mais ce travail de l'apôtre Paul, comme lui-même avait été un persécuteur de l'Église, il va devenir fortement persécuté par les Juifs à son tour. Il va aussi être persécuté par les Romains. mais moins fort que par les Juifs. C'est les Juifs qui s'acharnent surtout dans la première génération contre l'Église. Et l'apôtre Paul va être fouetté, va être lapidé, va être mis en prison. Et quand on lit sa vie dans Corinthiens, il n'y a pas une vie très, socialement très enviable. La nudité, les disettes, la faim, la prison, il a été battu de verge. Il a subi toutes sortes de difficultés, mais il a toujours persévéré par la grâce de Dieu. Et après cela, il va devenir l'auteur d'une grande partie du Nouveau Testament. Il va écrire des lettres aux églises qu'il a débutées. Et certaines qu'il n'a pas débutées, mais qui a eu un impact dans leur vie. Comme on pourrait dire, Rome. On ne croit pas que Paul a débuté Rome, mais il a écrit l'Épître aux Romains, désirant aller les voir. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul va venir à écrire 1 et 2 Thessaloniciens. On a vu ensemble dans Actes 17 que c'est lui qui a commencé l'Église à Thessalonique. Mais à cause des fortes persécutions de la part des Juifs et de la part des compatriotes des Thessaloniciens, il va être obligé de partir très tôt et n'a pas eu le temps de mettre de profonds fondements théologiques dans la jeune Église. On a vu dans la première épître qu'il va envoyer Timothée pour les former, pour les instruire, pour les exhorter, pour les redresser, si je peux dire ainsi, théologiquement parlant, et lui-même nous dit qu'il voudrait aller les voir, c'est un vif désir dans son cœur. On ne croit pas qu'il a été entre les deux lettres. Il n'y en a aucune mention dans la deuxième lettre qu'il aurait été avant d'écrire la deuxième. S'il y avait été, probablement qu'il n'aurait pas eu besoin d'écrire la deuxième lettre, il aurait communiqué de vive voix avec eux les vérités qu'il avait voulu leur communiquer. On croit que l'apôtre Paul n'a pas écrit la deuxième lettre longtemps après la première. Qu'est-ce qui nous fait dire ça en général? C'est qu'il s'associe les deux mêmes personnes, Sylvain et Timothée. C'est le même sujet de la foi, de l'amour, de l'espérance et du retour du Seigneur. C'est le même sujet. Et il va continuer à les instruire. Est-ce qu'il y avait eu d'autres nouvelles d'eux? Est-ce qu'il y avait eu des gens qui l'avaient visité de Thessalonique? Est-ce que Timothée serait retourné? Pas peut-être, peut-être que non. Mais il continue son instruction en ce qui concerne surtout le retour du Seigneur ou l'avènement du Seigneur. Il va continuer cela et il va détailler ce qu'on avait vu dans la première épître. Vous vous souvenez de la première épître, qu'est-ce qu'on a vu? Il dit, il va venir le moment où ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants, qui sont croyants, qui se sont convertis à Dieu pour le servir, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ pour être pardonnés et être équipés pour servir le Dieu auquel ils se sont convertis, un jour, nous allons être ressuscités ou transformés pour ceux qui sont vivants, et on va monter ensemble à la rencontre du Seigneur sur des nuées, et nous allons être pour toujours avec lui. Et la deuxième chose qu'il dit dans le chapitre 5, c'est qu'il va venir comme un voleur. Ceux qui dorment vont être surpris par son arrivée, mais ceux qui sont éveillés, qui ne dorment point, les croyants, ne seront pas surpris par l'arrivée du Seigneur parce qu'ils l'attendent. Il dit, ceux qui ne l'attendaient pas vont avoir une ruine soudaine qui va s'abattre sur eux. Nous allons voir ça en plus de détails dans notre lettre, dans notre deuxième lettre. Donc, il va détailler ou donner plus d'informations, plus d'instructions en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il va aussi confronter les faux enseignements qu'ils ont reçus de certaines personnes Des faux enseignements, comme on va le voir, qui viennent d'une lettre qu'on dit venir de Paul et que ce n'est pas vrai. Donc, il va redresser l'enseignement qu'ils ont. Il va corriger les erreurs. Il va reprendre les hérésies qu'ils ont entendues et qui les troublaient. Et il va les exhorter à aller de l'avant, à continuer à aller de l'avant, à marcher, si on peut employer un terme de la première épître, de progrès en progrès, de plus en plus, dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Pourquoi est-ce qu'ils s'associent Silas et Timothée? Je crois parce que les deux hommes ont travaillé avec Paul chez les Thessaloniciens. Ils ont eu un impact comme eux dans cette église. Timothée, on a vu, a été envoyé par Paul pour les instruire, les former. Donc, les trois s'associent, les trois qui ont eu un impact dans cette église, s'associent pour écrire la deuxième épître aux Thessaloniciens. Ces trois hommes-là écrivent à une jeune église qui souffre beaucoup. On va le voir encore dans la deuxième épître. On l'avait vu dans la première. Ils souffraient beaucoup des persécutions, des tribulations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul et Silas et Timothée ont aussi souffert, ils ont aussi été fouettés, ils ont aussi été mis en prison. Eux autres aussi ont été maltraités à cause de l'Évangile. Donc, ils parlent avec connaissance de cause, ils parlent avec compréhension, avec compassion. Ils ne sont pas assis dans une tour d'ivoire et qui disent à ceux qui sont persécutés, « Ben, patientez, vous savez, vous êtes capables par la foi. » Non, ils comprennent. Et Paul, Silas et Timothée savent quelle vérité les a aidés à persévérer. Ils vont transmettre les mêmes vérités aux Thessaloniciens pour qu'ils puissent persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Parce que dans le fond, mes frères et sœurs, c'est ça qui compte. Est-ce que je vais pouvoir dire à la fin de ma vie chrétienne, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, et la couronne de vie m'est réservée. Paul n'est pas quelqu'un qui était exemplaire par une grande moralité. Non, Paul est mon exemple parce qu'il a persévéré dans la foi qu'il avait reçue du Seigneur Jésus, dans l'Évangile qu'il avait entendu du Seigneur Jésus. Parce que quand je vais voir venir Jésus sur les nuées, la seule chose qui va compter pour être avec lui pour toujours, c'est est-ce que j'ai persévéré dans la foi reçue une fois pour toutes? Est-ce que j'ai persévéré dans la foi? Est-ce que j'ai persévéré dans l'amour? Est-ce que j'ai persévéré dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans la deuxième épître. C'est ce que nous allons méditer dans les semaines qui vont venir. J'espère que vous et moi, nous allons être encouragés à aller de l'avant, à marcher de progrès en progrès, comme avec le sens qu'on a vu dans la première épître. Si vous n'avez pas écouté la première épître, je vous encourage à bien écouter la première épître avant la deuxième. C'est une continuité. Vous allez avoir de la misère à comprendre ce que je dis. Peut-être que vous allez mal interpréter ce que je dis si vous n'avez pas écouté la première épître au complet. Écoutez-la au complet, méditez-la, priez, et ensuite faites la deuxième. Je vous encourage à prier pour vous, et à prier pour moi, afin qu'on puisse bien comprendre l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur me donne la grâce de dire les vérités qui vont être très noires pour certains et très lumineuses pour d'autres. Qu'il me donne la grâce de ne pas minimiser les vérités qui concernent le retour du Seigneur. Que le Seigneur nous dirige ensemble par les semaines qui s'en viennent. Notre bon Père du ciel, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton Fils. Et merci surtout pour l'espérance qui est devant nous. l'espérance du retour du Seigneur, l'espérance qu'on va monter sur des nuées et qu'on va aller vivre dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, pour servir notre Dieu d'une façon parfaite, totale, complète, éternelle. Au nom du Seigneur Jésus, Amen.